Gloire dans le sang, Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur. Victoire, la victoire dans le sang, Alléluia. À l'agneau, la gloire, à lui, l'honneur. La victoire dans le sang, Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur. La victoire dans le sang, Alléluia. Notre Père Céleste, à cet instant, nous te remercions, nous t'adorons et nous t'exaltons, nous bénissons ton Saint-Nom et l'élevons au-dessus de tout, comme il l'est réellement. Nous prions que tu bénisses notre rassemblement. Tu entends de chaque prière, chaque besoin urgent, chaque nécessité qu'il y a parmi nous, pour donner une suite favorable, donner une vraie réponse, donner la satisfaction et la joie. Étendez ta main et confirme ta parole. Nous voulons te voir en scène, vivre de tes miracles encore une fois, le surnaturel sur la terre des mouvements. Opère encore des miracles, Seigneur, pour que le croyant en bénéficie. Parce que si nous ne pouvons pas les vivre, qui d'autre va en bénéficier? Qui témoignera de toi? C'est à ton peuple que tu veux manifester l'amour. Et ils sont les premiers privilégiés. Car tu considères ton peuple comme une assemblée de premiers-nés. La double portion de l'héritage, elle vient à cela. Roi de justice, Dieu parfait, agis maintenant. Parle à chacun et nettoie-nous au fin fond de nous-mêmes. Nous voulons refléter Jésus-Christ, ses vertus, ses qualités. Aie pitié de chacun et attire la plus près de toi, près de ton trône de grâce et de la paix, dans le bain de ta puissance. Tu agis dans la simplicité, mais tu fais des grandes choses. Tu opères des merveilles innombrables. Laisse que nos cœurs contemplent ta gloire. Et que nos lèvres célèbrent ta gloire. Que nos yeux voient de nouveau les mêmes yeux. À la tâche comme autrefois. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Isaïe au chapitre 66. Isaïe 66. Nous commençons au verset 10. On va aller jusqu'au verset 14.

Qu'à Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons à chaque âme bienvenue à la table du Seigneur. Dans l'amour divin, l'amour parfait. Bienvenue à tous et à chacun. Amen. Et l'amour divin, l'amour parfait inonde nos cœurs. Et la présence du Seigneur réjouit sur nos âmes. Que la paix de Dieu soit donnée à chacun. Pour aimer Dieu plus que tout. De toute notre force. De tout notre cœur, de toute notre pensée, aimer Jésus-Christ. Il mérite cela parce que lui nous a aimé le premier. Il a sacrifié sa précieuse vie pour racheter nos âmes de l'esclavage du péché, de la domination de la mondanité, de proposition des iniquités. Il a sacrifié sa précieuse vie. Et aujourd'hui, nous pouvons l'invoquer librement sans être intimidé par personne, ni rien. Parce que le sang qu'il a versé a fait du bon travail. Nous sommes les bénéficiaires du salut que Dieu donne gratuitement. Sans argent, sans rien payer. Que Dieu soit béni. Nous voyons ici dans la Bible le Seigneur dire: réjouissez-vous avec Jérusalem. Vous tous qui l'aimez. Et plus loin, par le prophète Zacharie, Dieu annonce une grande et joyeuse promesse. Il a dit: l'Éternel choisira encore Jérusalem. Quelle merveilleuse promesse. Et dans les deux cas, les paroles de consolation sont annoncées. Et Dieu est celui qui nous console. Il est celui qui console son peuple. Et il console par sa parole. Dans Ésaïe au chapitre 40, vous savez ce qui est écrit du verset 1 au verset 2. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. L'ordre divin est de consoler le peuple de Dieu. Consolez, faites-les consoler. Faites-les consoler mon peuple. Ne les affligez pas. Ne les troublez pas. Mais nous avons le devoir de les consoler. C'est Dieu qui l'a ordonné. Consolez, consolez mon peuple. Dis votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Parole du Seigneur de Dieu. Et qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Gloire à Dieu. Comme autrefois j'ai chanté cette mélodie que j'avais composée comme ça. Et calmement et posément comme ça. Consolez, consolez mon peuple. Ainsi dit le Seigneur. Allez au cœur de Jérusalem et criez dans ces rues que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés, oh quelle miséricorde. Oh, après le refrain disait: à qui pourriez-vous Pour me comparer et demander le Dieu Saint qui pourrait être mon égal tout homme faillible. Mais moi, je suis l'infini, l'alpha et l'oméga. Alors, c'est comme ça que j'ai chanté. Oh, mais ma voix s'est grillée. J'ai chanté d'une grosse voix. Maintenant, ça s'est grillé avec une prédication et tout. Je suis devenu un débrouillard. Louange au Seigneur Dieu vivant. Oh, cette mélodie-là, ça faisait du bien. Ça fait des années là. Un frère est venu à prédicateur, il dit, donnez-moi ça. Il dit, mais je n'ai que des copies de cassettes. Il dit, non, donnez. Alors, il a pris, il est allé écouter, et maintenant il s'est amené avec ça dans un taxi, et on lui a volé ça. Maintenant, on ne sait pas là où c'est parti. Voilà comment des fois les choses se passent. Donc ce qui est précieux pour nous, le voleur vient, il prend. Et peut-être qu'il va aller déchirer quand il découvre qu'il n'y a rien de fait. Alors, Dieu dit, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem, au centre de Jérusalem, de en sorte que cette parole parvienne à son cœur. Et criez-lui que sa servitude est finie. Dieu dit ça à des gens qui se sentent abandonnés, qui broient du noir, mais ça va de quoi le lendemain sera fait. Ou à la lune pour les choses, quel sera le prochain événement. Il y a des gens qui vivent sous une peur bleue de la mort. C'est sous le règne de la douleur. Mais Dieu déclare que ta servitude est finie. Il demande de le prendre en mort. Gloire à Dieu, mort à mort. Faites-les et vous serez bénis. Aimez le Seigneur, accrochons-nous à sa parole. Qui aime dire amen là? Mais que Dieu te bénisse, non? Tu es ici pour être béni, pas en tout cas pour être maudit, pas en tout cas pour se passionner, pas en tout cas pour tourner en rond, mais tu es ici pour progresser, avancer par la vie. Ici dans le sermon Shalom. Prêché le 19 janvier 1954. Shalom. Le bonhomme dit au paragraphe 54. Eh bien, nous sommes des créatures de temps. Confiez-lui vos voix. Et il fera que votre avenir soit bien. En effet, nous les voyons, nous ne les voyons que tel qu'il est dans la parole. Nous ne pouvons pas les voir autrement. Que Dieu accorde sa grâce à chacun. Nous sommes des créatures temporelles. Nous sommes limités dans le temps. Nos corps ont une durée de vie limitée. Chacun a une date de naissance et une date de décès. On va se questionner hier. Quel est le nombre des jours de vie de ton serviteur? Encore là, une vaste et grande question à laquelle aucun de nous ici ne sait répondre. Quel est le nombre de tes jours sur la terre? Tu peux connaître l'âge que tu as. Et même le nombre d'heures que tu as passées sur la terre. En reliant l'heure à laquelle tu étais né selon la date indiquée, communiquée, à l'heure actuelle, tu peux compter combien d'heures tu as déjà passé sous le soleil. Sur le soleil. Mais qui peut dire quelle est la durée de sa vie sur terre? Le nombre de ses années de vie. Vous dites non, mais Dieu a dit 70 ans. Mais c'est le même David qui a parlé de 70 ans. Qui pose cette question dans le psaume 119. Pour voir que la parole doit vous être révélée. Vous n'allez pas la lire comme un journal et commencer à affirmer des choses. Puisse Dieu faire grâce à chacun de nous. Ici, dans les psaumes 119, verset 84. Quel est le nombre de jours de ton serviteur? Quel est le nombre de jours de ton serviteur? Quand nous allons dans les psaumes 139, nous trouvons encore que le même David a dit ceci. Oh, il avait dit ceci. Verset 15 et 16. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, ici dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Vous êtes un nombre bien précis de jours. Et c'est ce qui lui était destiné. Et Dieu avait inscrit ça dans son livre. Avant même qu'aucun de ces jours-là n'existât. C'est-à-dire avant la naissance David sur terre. Il lui a écrit. Prescrit un certain nombre de jours. Et c'est valable pour chaque humain. Et quel est le nombre de tes jours sur terre? C'est la grande question. Ton âge, tu peux compter. Ça, tu peux le faire. Mais la durée de ta vie, c'est le secret de Dieu. Et le même David a dit ici, si nous allons plus loin dans les psaumes 102, nous trouvons la prière des malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Psaume 102, verset 1. Prière des malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Et à travers cette plainte, nous lisons verset 25. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Pendant les années, vivre éternellement. Ne m'enlève pas de la terre, ne me retire pas les sucres de vie. En plein milieu de mes jours. En plein milieu de mes jours. Mais laisse-moi jouir de chacun de ces jours. Laisse-moi vivre sur terre. Profitant effectivement de chacun de mes jours. N'est-ce pas le souhait de chacun de nous? De consommer chacun de ces jours. Et les consommer et les consommer. T'en profiter sur le soleil. C'est même du bon sens que d'agir comme ça. Alors, nous ne voulons pas mourir avant le temps. Mais quand l'autre sera arrivé, nous partirons. Nous voulons ou pas, nous partirons. Comme a dit Ézéchias, Ézéchias, lorsque mes années seront à leur terme, je m'en irai. C'est vrai. Bongo. Mais pas au milieu de mes jours. Et ça la tienne, ma sœur, ici, en gote. Privé des restes de nos jours. Je sais que personne d'entre nous ne voudra de cela. Mais malgré ça, nous sommes des créatures du temps. Nous sommes des créatures temporelles. Nous ne sommes pas éternels ici-bas. Nous sommes venus et nous répartions. Qui dit amen. Oh, que cela soit clair et compris. Oh, dans les psaumes 90. Psaume 90. La parole de Dieu dit ceci. Oh, verset 9. À 12. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. S'évanouir, c'est comme un son. Comme ça sur sur du métal peut-être sur une cloche. Au départ là ça sonne fort. Mais quelques secondes après, le son diminue. Quelques secondes encore après, le son diminue. Des minutes plus tard, le son. Et après un temps, ça devient comme un écho. Et puis c'est le silence. C'est comme ça que nos années qui nous sont destinées s'évanouissent. Comme un son. Pensez-y. Chacun de nous. Pensons-y. Chacun de nous. Tes années de vie. Comme un son dont le volume diminue. Jusqu'à un moment que tu n'émettras plus aucun son, ce sera le silence. Ah, c'est pour ça que la Bible ait appelé l'au-delà le séjour du silence. Après ce petit, nous entrerons dans le séjour du silence. Nos corps ici ne pourront plus émettre aucun son. Ni verbal. Ni manuel, ni piédestal, aucun son. Tout deviendra silence. C'est parce qu'il y a encore du souffle de vie dans tes narines que le corps peut émettre un son. Que ce prédicateur pouvait l'entendre prêcher. Voyez le son qui sort de sa bouche. Mais il vient un temps où ça va se taire. Et ce corps ne pourra plus émettre aucun son. Parce que nous sommes des créatures du temps. Le nombre de nos années, c'est Dieu qui les maîtrise. Voilà. Pour David, chacun de ces jours est inscrit dans le livre de Dieu avant même qu'il ne naisse. Avant que ce jour ne commence à être compté, Dieu avait déjà prévu combien de jours il passerait. Et il a demandé que le Seigneur ne l'arrête pas au milieu de ce jour. Donc, tu le laisses bénéficier de chacun de ces jours ici-bas. Jusqu'au dernier d'entre eux. Mais au moins, il ne savait pas ce serait combien. Parce qu'il a posé la question au Seigneur et le Seigneur ne lui a pas répondu. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Silence. Alors, je demeure ici dans le psaume 90. Tous nos jours disparaissent par son courroux. Plus nous vivons, plus nous faisons des choses qui énervent le Seigneur, et avec cela, le nombre de nos jours ne peut que diminuer. Alors, comme dit la Bible, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'irritez pas le Seigneur votre Dieu. Ne provoquez jamais sa jalousie. Sauf que vous pouvez faire le bien. Nous vous sommes exhortés hier, vivez correctement. Qui veut dire encore amen à la vérité? Vous tous les membres de l'église, dites s'il vous plaît, vivez correctement, menez une bonne vie. Amen. N'oubliez pas ça. Amen. Confiez à Dieu vos voix. C'est lui qui est capable. Il fera en sorte que votre avenir soit bien. Mais tu dois d'abord lui confier tes voix. Ne pas garder tes voix pour toi-même. Et dire, ça c'est ce que mon corps veut. Oh, j'ai tenu tellement à faire ça. Arrêtez cet orgueil-là. Vous ne devez pas parler de vous. Il y a un Dieu qui vous prête le souffle de vous. Il y a un Dieu qui compte pour vous le jour. Si tu continues à l'irriter, à l'énerver, le jour pour continuer à s'évanouir. Par le courroux du Seigneur. Par la colère de Dieu. Sachez-le. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui s'en tire n'est qu'à peine et misère. Car il pousse vite et nous nous envolons. Nous nous envolons. Et c'est justement après avoir dit ça, après avoir écrit cette psaume, que nous avons lu dans les psaumes 102, où David dit, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Mais ce psaume 90 n'est pas de David, c'est de Moïse, le prophète de Dieu. Psaume 90, verset 1. Psaume de Moïse, homme de Dieu. Ça, c'est le psaume de Moïse, pas de David. Et David l'a répertorié dans son recueil de psaumes ici. Après avoir fait ça, il se questionne lui-même sur le nombre de ses jours à lui. Dans le psaume 102, il a prié que Dieu ne l'enlève pas au milieu de ses jours. Dans le psaume 139, toujours après le psaume 90, là, tous les jours de sa vie à lui, David, étaient écrits dans le livre de Dieu. Donc Dieu connaît ces jours-là. Même s'il ne lui a pas révélé, mais il savait Dieu. Il avait fallu attendre que David meure pour découvrir maintenant quelle est la durée de sa vie. Ça a été combien? Ah, les jours de sa vie, c'était autant. Et il mourut rassasié des jours, dit la Bible. Dieu est bon. Il répond à la prière. Soyez toujours honnête, ses frères. Et Dieu vous honorera. Dieu vous consolera. Dieu vous bénira. Confiez-lui vos voix. Lui, Dieu est capable de faire en sorte que votre avenir soit bien. Vos inquiétudes n'y changeront rien. Car nous sommes au Seigneur, chers amis. Croyons sa parole, mot à mot. Oui, il dit, qui prend garde à la force de ta colère, non, qui prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Verset 11. Nani ayabi makasi na kanda na yo. Nani kati na biso, azali koban kele na yo. Dieu, dans ce moment de colère, quand nous commettons le péché, nous faisons le mal. Jette un regard sur nos jours de vie. Jette un regard sur nos jours de vie. Il t'a demandé de te repentir, tu dois traîner les pas. Dieu jette un regard sur les jours de ta vie. Jette un regard sur la durée de ta vie sur terre. Il a dit abandonne ce péché-là, mais toi tu continues à traîner. Oh, je n'arrive pas encore. Je ne me sens pas capable. Mais Dieu regarde sur la durée de ta vie. Et ta colère, quand tu l'irrites, chaque fois que tu l'irrites, ça évanouit quelques jours. Est-ce que vous prenez conscience? S'il vous plaît. Est-ce que vous prenez conscience que c'est nous-mêmes des... Tu fais le mal, tu continues à répéter le mal, lui regarde. La durée de ces jours, j'avais écrit combien? Demain encore, merde. Ta colère ne fait que diminuer ta durée de vie. Jusqu'à ce que tu puisses déverser la goutte qui déborde le vase. Et Dieu dira, c'est fini. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais il ne fait pas. Il continue à traîner les pas à faire des caprices. Il ne comprend pas que les chiffres qu'il a dépendent de moi. Et que j'ai trop toléré de sa part. L'évangile que je lui ai donné ne lui permet pas de mener ce genre de vie. Il devrait être plus haut que ça. Il ne doit plus être plus bas que ça. Car je lui ai donné ma vérité. La parole de vie. Qu'il doit échanger. Et voilà comment il néglige. Il veut continuer à imiter les païens. Il veut continuer à ressembler à ses anciens amis. À ses anciens camarades. Voyez, et Dieu dit, la durée de sa vie. Si c'était 252, Dieu j'ai seulement un regard comme ça. 5 et 4 ans et limoué, comme 100 et 2. A Boagin soumiskouna, 2 et limoué, et comme 0. Voyez ça? Ne faites pas le mal. Faites le bien que Dieu vous enseigne. Le mieux que vous pouvez dans la crainte de Jésus. Faites le bien. Il a dit. Qui prend garde la force de ta colère? Des fois on pense que Dieu est un cocobar dépassé et que même sa colère ne nous ferait rien. Oh il est si bon, il est Dieu de grâce. Il ne va rien faire. L'on ne prend pas garde à la force de la colère de Dieu, ce qu'elle est capable de faire, même sur la durée de notre vie terrestre. Par exemple, une femme ne doit pas porter les pantalons. Mais comment une personne qui a donné son message? Une soeur peut aller mettre un pantalon. À la type exact, tu la sentir. Mais il a déjà entendu son message, sachant que le pantalon, c'est une abomination. La question c'est, quelles que soient les raisons de frustration, de déception, pour ceci, pour cela, à la famille, à l'église, et tout ceci. Dans quelle intention mettez-vous les pantalons? C'est pour plaire à Dieu, pour réjouir le Seigneur, votre Créateur, qui a interdit ça, et vous le savez. Voyez. Maintenant quand les gens vont mourir, après, oh non, ça coûte trop cher. Et c'est son péché qui l'amène là-bas. Prenons garde à la force de la colère de Dieu. D'un regard, il peut tout brouiller. Vous souvenez-vous des chars de Pharaon? Comment la confusion est-elle entrée dans les roues des chars de Pharaon? Dieu n'a même pas eu besoin de parler. Même pas de menacer du doigt. Il a juste regardé. La quatrième veille de la nuit. Dieu a regardé les chars de Pharaon qui venaient pour faire du mal à son peuple. Mais d'un regard de colère, rien que ça, La Bible dit que toutes les roues des chars de Pharaon se sont détachées de ces chars. Imaginez, Kadisa. Ça c'était le charroi royal. Certainement, très bien entretenu. Avec une armée très disciplinée. Parce que le pharaon était comme un grand empereur qui régnait sur plusieurs nations. Donc ce char-là était en état impeccable. En état impeccable. Mais le regard courroucé de Dieu a fait que les chars d'eux-mêmes ont tremblé devant Dieu et les roues qui étaient bien serrées se sont détachées. Les chariots qui transportaient les cavaliers se sont installés au sol. Les roues ont pris chacune sa direction. Qu'est-ce qui a fait ça? Le regard de colère de Dieu. Et quand ils ont voulu courir, il n'y avait plus rien pour tourner. Ils sont restés sur place. Alors Dieu a fait souffler le vent de l'Orient. Il a ramené toutes les eaux qui étaient séparées là. Ils sont venus en vague, se déverser sur les eaux. En un rien de temps, bien-aimés, la colère de Dieu n'est pas une chose à souhaiter. Prenons chacun garde à la force de sa colère. Ne le prenons pas comme un cocobar de passé. Et qu'il n'est là qu'à nous tolérer, à nous comprendre. C'est qu'il existe dans sa parole, quand il vous le dit, prenez ça au sérieux, pratiquez-le aussitôt. Qui prend garde à la force de ta colère? Oui, à ton courroux, c'est la crainte qui t'est due. Si tu l'as jamais fait, désormais fais-le, prends garde à ça. Parce que des fois, Dieu ne te punit pas immédiatement selon tes iniquités. Mais quand tu l'as énervé une fois, tu l'as énervé deux fois, tu l'as énervé trois fois, tu l'as encore énervé, bon, il te laisse. Comme si tu prospères, ta santé est stable et tout ça. Mais c'est la durée de ta vie. C'est là qu'il t'attend au tournant. Il a déjà sensiblement réduit ça. Et en pleine festivité de foi, tu peux t'écrouler et le souffle est parti. Pendant que tu exhibes les pas de danse que tu préfères là, pour réjouir ton cœur, Dieu dit fini, ça y est. Ils avaient payé la moquerie à Luca, mon capitaine. Parce que parle des hommes. On a encore collé la camoufle. Vous savez qu'il avait rejeté Jésus un jour, non? Oui, mais qu'est-ce que c'est qui est ce collé? Abraham, c'est le même jeune homme riche là. Le problème, c'est que les hommes de l'Église ont beaucoup rapporté. Quand on les retrouve dans Luc 12, avait beaucoup rapporté. Les champs ont donné beaucoup de récoltes. À tel point qu'il y avait même pas assez de place pour stocker la production. Parce que ce soir-là, quand les serviteurs donnaient le compte rendu, oh, quelle merveille! Il dit, mon âme, réjouis-toi! Tu n'as plus de peine de soutien à tes frères pour le venir! Quand tu as de quoi te nourrir et prendre soin de toi, pour de longues années à venir! Le Seigneur surgit alors. Juste au moment où il était en plein succès. Et Dieu le traite d'insensé. Ton âme te sera redemandée cette nuit même. Et tout ce que tu as amassé là, et pour lequel tu t'es réjoui, pour qui sera? Hein? Hein? Quoi? Mimi. Ton âme, je la récupère cette nuit. Dieu l'a dit et il l'a fait. Quel moment Dieu a choisi vraiment? Où il a pensé être au top de son succès? Est-ce que le meilleur homme d'affaires à ce moment-là, un homme prospère qui a vraiment réussi, c'est à ce moment-là que Dieu le poche. Alors, bien aimé, prenons garde à la force de sa colère. Mais ne tapons pas sur notre durée de vie nous-mêmes. Nous sommes tenus de marcher dans sa volonté. Nous sommes tenus de marcher dans la grâce de Dieu. Êtes-vous là? Verset 12, Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bon mot, et biso était total la micolona biso, malamou, était toujours habité, maïeli. Les 70 ans, les 80 ans. C'est pas la durée de vie d'une personne particulière qu'on aurait citée ici. Moïse lui-même qui a écrit ce psaume. N'est-ce pas le psaume de Moïse comme on a dit? Moïse avait vu combien d'années? 120 ans. Alors les 70 et les 80 ans qu'il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 et pour le plus vigoureux à 80. Bon, c'est pour qui? Même pas pour Moïse lui-même. C'est juste une tendance moyenne. Pourtant, il a dit, les jours de nos années. Donc, s'élève à 70 ans. Et pour le plus dureux à 80 ans. Et lui-même qui a dit ça, a vécu 120 ans. Plus de 80 ans. On y a ajouté 40 ans. Ça, c'est Moïse. Voilà. La parole doit nous être révélée. Vous n'allez pas appliquer ça à chaque personne individuellement. Pour dire non, il devait vivre 70 ans. Pour chacun de nous, Dieu a écrit un nombre d'années. Mais quand on voit une génération, un peuple, Dieu leur donne une tendance moyenne. Vous pouvez vivre comme ceci. Au temps de Noé, Dieu a donné à la génération de ce temps-là 120 ans de vie. Ce n'était pas la durée de vie d'une personne particulière, mais c'était un ultimatum que Dieu avait fixé avant de frapper par le déluge. Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. 120 ans. Depuis le jour où Dieu a dit ça, comptez 120 ans plus tard, hein, le jour où le déluge est tombé du ciel. Mais certainement pendant cet espace de temps-là, pendant ces 120 ans-là, il y a eu des familles qui ont pleuré leurs morts, qui les ont enterrés. Des gens qui sont morts avant les 120 ans. Il y en a eu. Et des gens qui ont survécu au-delà des 120 ans. Il y en a eu. Noé lui-même qui a entendu ça de la part de Dieu a vécu après les 120 ans, après le déluge. Il a continué à vivre sur terre. Et ses enfants, même mort. Donc les 120 ans, ce n'était pas la durée de vie individuelle de chaque humain. C'était l'ultimatum que Dieu donnait à la génération de ce temps-là, avant de frapper par sa colère, par un jugement planétaire. Alors la parole doit nous être révélée. Il ne faut pas la lire de manière intellectuelle et commencer à tirer des conclusions trop personnelles. Que Dieu t'aide. Tu as un nombre de jours que Dieu connaît. Au moins, fais le bien et rends ton culte régulièrement à Dieu. Amen. Il t'a promis alors qu'il va accomplir le nombre de tes années sur la terre. Oh, béni soit le Seigneur. Ici, on a parlé du jeune homme riche. Regardez dans Luc chapitre 12. Il dit au verset 16, avec un. Et il leur dit cette parabole. Le père d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs familles. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est de lui-même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Quand tu accumules, tu penses que tu deviens plus riche, plus puissant, plus fort financièrement, matériellement, immobilièrement, hein? Populairement, socialement, familièrement. Et tu passes toutes ces choses-là. Dieu est celui qui te sert les souffles de vie. Investis ton âme dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas voir que ce qui est sous le soleil. Et laisser ton âme nue devant Dieu. C'est le ciel, le Saint-Esprit à l'intérieur. C'est la meilleure richesse que je connais. Le Saint-Esprit au-dedans. Le ciel de Dieu dans le cœur. C'est la meilleure richesse que je connais. Tout le reste s'évanouira. Mais qu'est-ce qui t'accueillera lorsque cette vie prendra fin? Que Dieu soit notre aide. Écoutez ceci. Propre âme nous dit ça. Je vais relire dans le Shalom. Eh bien, nous sommes des créatures de temps. Confiez-lui vos voies. Et il fera que votre avenir soit bien. En effet, nous le voyons que tel qu'il est dans la parole. Oh, moi je l'aime, mon cher ami. Au paragraphe 58, il est maintenant. Nous voyons sa parole être confirmée. Nous les croyons. Donc il a confirmé la parole pour aujourd'hui. Que jamais soucié de ce que l'année apportera. Comme Vladimir Poutine vient de déclarer. Dans un discours très attendu là-bas, il a dit, le monde entre maintenant dans une bikini la plus dangereuse. Les 10 ans qui commencent ici. Plus dangereux. Miséricorde. Est-ce que ça doit nous soucier? Est-ce que c'est lui qui tient notre souffle de vie? Lui-même là dépend de notre Dieu. Dans ce narine, il n'y a qu'un souffle. Il peut dormir et ne jamais plus se réveiller. Avec ça, quand une personne est assassinée ou empoisonnée. Mais le propriétaire du souffle, lui, fait les retirer à tout moment. Ne craignez pas l'homme qui dépend de Dieu. Craignez Dieu de qui tous dépendent. Celui que vous devez craindre et redouter. C'est quand les gens de la terre parlent, nous commençons à trembler, nous avons des assurés. Quand jamais soucié de ce que l'année apportera. Quand jamais soucié de l'année prochaine. Oh, 2023. Je n'ai pas de soucis. Vous savez que l'année prochaine apportera. Qu'est-ce jamais soucié de l'année prochaine? Qu'est-ce jamais soucié que je vive aujourd'hui ou que je meurs aujourd'hui? Toi, je me soucie pour ça. Si ma mort doit arriver cette nuit. Moi là ou toi là. Est-ce que tu dois te soucier? Maintenant que tu vis. Est-ce que tu te soucies? Et que Dieu peut te permettre de vivre jusqu'à demain matin. Dois-tu te soucier pour ça? Mais c'est lui qui donne les souffles de vie, te les donne encore. Je lève mes mains, je le mets. Merci Père, tu es pour faire ma mauvaise personne. Un jour tu vas récupérer ses souffles et je ne deviendrai plus rien. Ça se sera dans le delà. Voilà. Mais ici, bas, ce sera un corps sans vie, sans son. Que je me soucie que je vive aujourd'hui ou que je meurs aujourd'hui. Quand la médicace est l'esprit. Si l'intérieur est devenu la propriété de Dieu, je suis en sécurité éternelle. Je suis en paix avec le Dieu vivant. Je me regarde ici ou dans l'au-delà. Pour moi, c'est la même chose. Je vivrai toujours pour lui. Et toi aussi? As-tu l'assurance de ton salut? Il ne faut pas te flatter toi-même. Ça se sera dans l'au-delà. Plusieurs ont cru qu'ils étaient bons. Le peuple, les jeunes hommes riches dont on a parlé ici. Dans Luc 16, on décrit sa situation dans l'au-delà. Alors que ce conducteur religieux l'avait rassuré. Il était un membre loyal, fidèle, qui payait les dîmes et les offrandes, coûtait les gens et tout. Il a beaucoup fait pour l'église. Et le jour de sa mort, vous savez quoi? Son bon pasteur est venu, le sacrificateur, avec une grosse gerbe de fleurs, et pour l'écrire là-bas, tu nous as été très cher. Que ton âme repose en paix. Mais la Bible dit, oui, là où il est allé dans nos liens, alors qu'il était en proie au tourment. Ici on célèbre la messe, on dit que son âme repose en paix, mais la personne elle-même, là où elle va, il est accueilli, le royaume de tourment doit s'arrêter la bienvenue. De petites personnes, avec des mauvaises dents, et des yeux exorbitants comme ça, avec des ongles droits. Bienvenue. En plein tourment. Mais là-bas, on sait que ton âme repose en paix. Ceux qui pasteur n'aient mais qui collent les calibos n'aient un moment wana. Ah ouais, vous ne pas les bouffer. Wana, vous voulez les bouffer. Dis-moi, je vous prie, je ne peux pas quitter. Tu prenais mes offrandes, tu me donnais les assurances, tu me rendais dans ma vie. Quand c'était la bombe, il s'est rendu. Tu n'as plus de force pour échapper à ton Bien aimé, vous devez être en ordre maintenant. Les gens qui meurent ici, ils rencontrent plusieurs réalités. Parce qu'ils ne reviennent pas pour les dire. Et vous qui êtes là dans vos églises froides, alléluia, Yeshua Saliawa, vous continuez toujours à dire des choses. Mais quand il meurt, il faut aller tout le monde. Cherchons le royaume de Dieu. L'assurance et le témoignage favorable de Dieu. Car c'est lui seul qui peut nous agréger. Et vous devez recevoir son agrément avant de quitter cette terre. Non pas votre complaisance. Oh, monsieur ne peut pas être autre chose qu'un enfant de Dieu. C'est pas l'orgueil même que tu lui dis. Même celle-là qui parle là, il ne me dit pas sans quoi. Mais moi, je ne peux pas être autre chose qu'un enfant de Dieu. Oui, les jeunes hommes riches aussi pensaient comme ça. Il ne peut pas être autre chose qu'un enfant d'Abraham. Et même dans l'au-delà, il a continué à appeler Abraham, père Abraham. D'après ses croyances religieuses, c'est son église. On lui avait appris qu'il était un fils d'Abraham. Il a dit Abraham de loin. Mais lui, dans les tourments, dans les flammes de feu. Votre passe-fini, Père Abraham, envoie Lazare ici. Et tu donnes Lazare. Alors oui, et Tata, mais allez, Tata n'a été. On va aller ici comme côté. Abraham a dit qu'il y a des il y a malade, mais il y a avec la flamme de base. Vous voyez frère, les croyances religieuses, les complaisances, les gens n'aiment pas les évidences de Dieu, ils aiment marcher dans les illusions. Ils conçoivent des idées, ils se convainquent par ces idées et ils se satisfont de cela. Ils deviennent satisfaits de ça. Mais comme il se félicite dans votre tradition, il ne peut pas être autre chose qu'un chrétien. Je le sais, je dois être un chrétien. Même Dieu doit le savoir. Non, face à ton destin. Face aux conséquences réelles de ta vie que tu as menée sur terre. Quand tu étais né, tu étais seul. Quand tu mourras, tu partiras seul. Et tout ce que tu vas affronter et rencontrer, il y en aura eu une part de responsabilité. Ah oui. Nous devons nous le dire ici. Amen. Que jamais soucier. Que je vive aujourd'hui ou que je meurs aujourd'hui. Chaque parole qu'il a promise sera confirmée. Chacune, s'il est capable de faire cela aujourd'hui, après avoir promis cela, il y a 2000 ans, qu'importe si c'est dans 5000 ans, et Jésus retournera sur la terre dans un corps visible pour l'Église, cela importe peu. L'essentiel est d'avoir les choses de Dieu ici. Travailler comme s'il va venir dans 1000 ans, mais vivre comme s'il va venir à la minute suivante. La qualité de vie que nous menons doit être la plus agréable. Mais les activités que nous menons sur la terre, il y a des projets, des programmes, du travail. On le prend au sérieux. On est fait pour ceci bien déjà, comme ça je démissionne déjà au travail. Ce n'est pas notre message qui dit ça. Continue à travailler jusqu'à la dernière minute. Parce que ton appel sonne là-haut. Même si tu seras en train de conduire ton patron, Dieu va t'enlever du volant et ton patron de se débrouiller. Amen, amen. Est-ce que nous sommes d'accord avec le Père? Écoutez maintenant. S'il est capable de faire cela aujourd'hui, Après avoir promis cela, il y a 2000 ans, n'importe si c'est dans 100 000 ans que Jésus retournera sur la terre dans un corps visible pour l'Église. Pour les racheter, l'épouse, pour l'enlever d'ici. Même si cet événement pourrait avoir lieu dans 100 000 ans, ça n'attira pas le message que nous avons reçu. Êtes-vous là? C'est Dieu qui gère le temps. Et il ne veut pas que quelqu'un périsse, qu'il veut que tous parviennent à la repentance et à la connaissance de la vérité. Et il est un Dieu souverain que nul ne peut juger. Même quand quiconque oserait le juger, il va triompher. C'est écrit comme ça dans Romains 3, verset 4. Advienne que pourra. Les mondes peuvent continuer. Les mondes peuvent continuer. Les gens pourront continuer à tâtonner dans des ténèbres complètes et croire que tout ce qu'ils veulent croire. Ils sont libres de croire tout ce qu'ils veulent croire. Des bêtises, des histoires, des fausses compréhensions, des mensonges, des fausses doctrines, des doutes de Dieu. Le monde, ça va continuer toujours à parler. Et les gens seront emballés, amenés sous la vie de mort et tout. Mais l'Église rachetée se prépare. Elle attend les jours de l'enlèvement. Le Seigneur l'enlèvera. Voilà. Le temps marqué par lui. Le monde ne va pas nous freiner. Le monde ne peut pas nous empêcher de calmer. Ceux qui se livrent au monde et savent ce qu'ils cherchent. Nous nous livrons à Jésus-Christ. Pas au monde, mais à Jésus-Christ. Parce que nous autres, nous savons ce que nous cherchons. Les royaumes de Dieu. D'abord, les royaumes de Dieu. Qui dit amen. Adviennent que pourra. Les mondes peuvent continuer. Les gens pourront continuer à tâtonner dans les ténèbres complètes. Et croire tout ce qu'ils veulent croire. Ils croient qu'ils sont sauvés. Ils croient qu'ils sont les fils d'Abraham. Ils croient qu'ils sont les fils de Dieu. Ils croient qu'ils sont les élus. Nous ne pouvons pas les en empêcher. Mais c'est lui qui sélectionne. Il peut sauver et perdre. Pour le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous n'avez pas son approbation, tous vos verbiages sont vains. Ce n'est pas ça qui vous fera entrer. Mais c'est le Seigneur qui sélectionne. Lui qui connaît ce qui lui appartient. Lui qui connaît ce à qui il a donné son esprit. Mais le monde peut continuer. Et les gens pourront continuer à tâtonner dans les ténèbres complètes. Et croire tout ce qu'ils veulent croire. Sans l'impiter, les reproches, les réprimandes. Ils vont rejeter comme cela. Et vous enseignez tous les noms. Ah, vous avez des poules mouillées. Ah, vous êtes vraiment des oiseaux. Vous savez de quel plumage. Oh, vous êtes des démonés, vous. C'est nous qui avons la révélation. C'est nous qui avons la vérité. L'homme dit que quand vous dites comme ça, ça montre que vous êtes dans les faux. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Vous ne pouvez pas vous l'approprier vous seul, ni l'enfermer dans votre cancer. Soyez humble. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Ayez Jésus-Christ dans votre cœur. 1 Jean 5, verset 12. C'est lui qui a le Fils de Dieu à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu. Même si tu penses vivre. Tant que tu ne l'as pas au dedans là-bas. Mon cher ami, tu es un cadavre. Oh, il a un cadavre. Sors de la mort. Recevez Jésus-Christ. Recevez la parole de vie. Recevez le Seigneur Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Quittez les jeunes des morts. Les fausses croyants. Les illusions. Venez à la lumière. Voulez-vous? Nous continuons à appeler. Parce que les gens vont écouter. Tout dépendra. Nous sommes écoutés à l'école. les morts ne peuvent continuer. Les gens pourront continuer à tâtonner dans les ténèbres complexes et croire tout ce qu'ils veulent croire. Mais Jésus-Christ reviendra une fois de plus. Même si les gens disent, oh non, il est déjà venu, on n'a pas besoin. Il reviendra. Il n'y a pas d'échappatoire, mon ami. Vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre. Ce qui est sûr, au final, Jésus-Christ reviendra une fois de plus. Je lui confie donc l'avenir. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, je ne sais pas ce que demain réserve. Mais je sais que c'est toi qui tiens demain entre tes mains. Je ne fais que lui confier ça. Seigneur Dieu, je ne sais pas ce que demain réserve. Mais je sais que c'est toi qui est tes mains entre tes mains. Moi, je vais m'accrocher à toi. Comme que tu tiens demain, demain tu me tiens la main aussi. Tu tiens toutes choses et tout dépend de toi. Pas besoin de se soucier. Ni de s'inquiéter. Ni de s'alarmer. Ni de s'agiter. Mais affrontons nos jours calmement. Chaque jour que Dieu nous donne, soyons reconnaissants à lui. Il a dit, ne vous inquiétez pas au sujet du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Matthieu au chapitre 6e, écoute la parole de vérité encore pour nos cœurs. Il a dit ceci, versets 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais pendant que nous y sommes, allons dans Esaïe 66. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit dans notre lecture ici? Verset 10 à 16. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Tant que vous n'avez pas l'occasion, je vous en donne aujourd'hui. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Attends, on la lit ça. Zougou vide, hein. Grenier le côté. Et c'est mon aïe, Jérusalem. Amen. Mboka mon konzi nanga. Amen. Mon konzi zambé. Alléluia. Hein. Melchisedec est venu d'où? Là-bas. Dans la vallée. Dans le boko. Du roi. Et c'était à Jérusalem. Jérusalem. Il est le roi de justice. Et le roi de Salem. Qui signifie roi de paix. Melchisedec. Lui qui a rencontré Abraham après la défaite du roi. Et lui qui rencontrera l'église après la défaite de Satan et de tous les démons. Contre l'église. Nous les vaincrons. Je vous dis ce n'est pas dans la dénomination. Parce qu'on y a pas Satan en train de danser. Quand tu danses même là, les démons t'ont déjà vaincu. Tu as les démons dedans, donc on y a pas Satan. Et tu fais des histoires comme ça. Tu es déjà Niatama. On y a Satan. tu te consoles pour rien. Parce que quelqu'un ne t'a pas dit la vérité. Mais tu comprends ça, Bango, prends la parole. Amen. Milim Mabi, Mampinga Satan, tu comprends ça, Bango, prends la parole. Tu comprends dominer Bango. Et pour la seconde, je vous dis vrai. De saisir les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, alors, rien ne pourra vous nuire. Jésus va-t-il faillir? Sa parole va-t-elle tomber? Elle réussira. Il la confirmera. Il confirme chaque parole. La Bible de notre grand roi. Faisons d'elle le sujet de notre allégresse. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, moi je suis l'un d'eux qui l'aime. Moi aussi, l'un d'eux qui l'aime. Vous, essayez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle. Nous pleurons à cause d'elle. Nous supplions le Seigneur à cause de cela. Alors, très savons déjà aussi. Car Dieu de Jérusalem, le roi de Salem, c'est le vrai consolateur. Rien en attendant ses promesses, avant qu'il n'ait fait quoi que ce soit, par toi déjà crié ton cœur, car Dieu ne change jamais, et Dieu ne faillit jamais. Les hommes du monde peuvent faillir, mais lui au grand jamais. Afin que vous soyez, vous traitez dans l'église comme ça avec Jérusalem, pourquoi? Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations. Dieu m'a dit, c'est le monde à Jérusalem, on a. Quand vous êtes à Jérusalem, à vous consoler à Jérusalem, vous pouvez au colis, vous pouvez au tonda, miliki, il y a ma consolation Jérusalem à quoi y a. Quelle vision! Si tu peux saisir cette vision, mon cher ami, tu resteras aux côtés de Jérusalem. Tu vas aimer Jérusalem. Tu vas prier pour Jérusalem. Et quand Dieu consolera Jérusalem, tu seras consolé avec. Tu boiras le lait de ses pauvres. Et tu en seras rassasié du Seigneur. Afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi par l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. C'est El Shaddai, notre mère, qui parle. Amen, amen. Nous avons mis hier la Bible été. Voilà. La propos de ce qui n'est pas une le col est balé. Père Bozu, il m'a monté le col et Tima est allé de Kosopana. Père Boko Nunga. Boko Kumbama, dans le côté naïe, à Kosana, dans le côté naïe, dans le naïe. Comme un homme que sa mère console, ça on l'a dit hier. Ainsi, je vous consolerai. Et vous serez consolé en Jérusalem. Le palamon de Oyo, maman, a été allé de vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. De cette consolation de Jérusalem, de la gloire de Jérusalem, de la paix de Jérusalem comme fleuve, vous aurez votre part dedans. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. Et l'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, et c'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Il va faire sentir sa colère à ses ennemis. Et ça nous envoie à la bataille d'Armageddon. Ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. On y arrivera. Voyez? Je vais lire ici dans Shalom, au sud de Jérusalem, dans Shalom, prédication Shalom, la même prédication, du 19 janvier 1964. Paragraphe 145 à 147. Vous l'avez vu confirmer la parole promise pour aujourd'hui. Vous voyez cela dans les signes, dans la lune. Vous voyez cela dans les églises. Dieu confirma sa parole pour aujourd'hui. L'avez-vous vu? Êtes-vous témoin? Rappelez-vous. Je vous avais dit dans l'église. Qu'est-ce que cela a à faire avec l'église? Juste un instant. La lune représente l'église. Jérusalem est la cité ecclésiastique la plus vieille que l'on connaisse dans le monde. Melchisedec est venu de cette ville-là. Le roi de Salem. Le roi de paix. Le roi de Jérusalem. Hein? En hébreu, c'est Yerushalayim. Yeru veut dire ville. Shalayim, c'est l'équivalent de Shalom. Ça veut dire paix. La ville de paix. Yerushalayim. Jérusalem. Ville de paix. Et son roi est le roi de paix. Il donne une paix telle que le monde ne peut jamais annuler. Tu peux nous rassurer mieux quiconque ne le fera. Tu peux consoler mieux que quiconque. C'est vrai. La plus vieille ville du monde. Et c'était la lune. C'est là que la loi a été élaborée. Et voici venir cette vague de ténèbres des nations sur cela. Il avait dit qu'on allait, l'église foulerait aux pieds les murs de Jérusalem jusqu'à ce que l'âge, la dispensation des gentils sera terminée. Et ça y est, nous vivons en plein dedans. Elle retourne directement. Tout aussi certain que mon nom est William Branham. Oui, nous pouvons voir cela. Elle est couverte d'ombre. Cela a été annoncé sous forme de type. Et ça a été prédit. Il appelle les élus à sortir. Les gens continuent carrément à tâtonner dans les fenêtres. Les autres alors qu'ils avancent. Très bien. Pendant qu'il y a des gens décidément préfèrent continuer à tâtonner dans les fenêtres, il y a une minorité de ceux qui aiment le Seigneur appeler de lui qui avancent. De quel côté es-tu personnellement? Voyez, les ténèbres peuvent frapper Jérusalem. Ici, voyez, quand un pape a quitté le Vatican, il est allé dans Jérusalem. Il y a eu éclipse du soleil en plein jour. À côté de Jérusalem, le soleil s'est assombri en plein jour. Les ténèbres. Et la lune est apparue en six phases. Ça a été photographié par les scientifiques. La septième phase était complètement noire. On dit le septième âge de l'église, la Odyssée, est dans les ténèbres. La lumière du soir que nous annonçons ici est une petite lumière de courte durée. En dehors de ce message, tous ces mouvements religieux que vous entendez, que vous voyez, sont dans les ténèbres. Malheureusement pour nous maintenant, il y a maintenant plusieurs assemblées ténébreuses qui parlent même du message, mais qui propagent les ténèbres. Notre prière est que Dieu soit miséricordieux envers chacun. Qu'il jette son regard, non pas de courroux, mais de miséricorde sur nous. Et qu'il nous fasse voir sa lumière. C'est notre prière sincère. Nous ne voulons pas être confondus dans les armes ténébrées. Mais nous devons être distingués selon sa promesse. Nombre chapitre 6. Verset 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parla à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Yahweh, alors, il y a un mot qui est. Le nom de l'Allah, il y a un mot qui est. Il y a un mot qui est. Il y a un mot qui est. Il y a un mot qui est. Yahweh, il y a un mot qui est. Il y a un mot. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Non pas sa colère, son courroux, mais sa grâce. Amen. Que Yahweh. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Non pas le châtiment, la punition, mais qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. Cette parole de vérité qui a la vie en elle-même. Que Dieu te fasse grâce et te tienne par sa main. Zacharie était en présence de l'ange. Nous l'avons lu ici dans Zacharie chapitre 1er. Et il était mis de compassion pour Jérusalem. Et il a parlé à l'ange du Seigneur. Il a dit, mais Éternel, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va te tarder d'intervenir? Vous te souvenez d'Israël, de Jérusalem? Zacharie 1, verset 12 à 17. On a dit. Alors l'ange d'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand? Oh voilà, excusez, c'est pas Zacharie, c'est l'ange. Jusqu'à quand auras-tu pas compassion de Jérusalem et de ville de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, voyez, de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Ne t'inquiète pour le temps. Vous allez commettre une sacrée femme. Mais Dieu te donne la parole. Zambé a confessé le loba. Tu demandes jusqu'à quand? Vous allez commettre une sacrée femme. Dieu te donne la parole. Zambé a confessé le loba. Au lieu de te donner la réponse du délai, le temps que tu commences à faire des calculs, il faut parler paroles de consolation. Disons, sa parole me suffit. Que le Seigneur m'aille parler, ça me fait du bien. Voilà mon bonheur. Oui, et l'ange qui me parlait, c'est Lazareth, me dit, crie. Crois maintenant, c'est voilà. Crie et dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses. Car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Dieu s'était fâché contre Jérusalem. Il a chassé les habitants de Jérusalem, le peuple qui s'appelait de son nom, pour laisser cette ville désertique. Mais les nations que Dieu avait utilisées pour humilier les Israélites, Dieu dit maintenant ils ont exagéré. Il les a utilisés. Après, il s'est retourné au contraire. Ce sont des nations orgueilleuses. Moi, je n'étais que peu irrité. Elles sont venues contribuer au mal. Comment ils peuvent ruiner mon pays comme ça? Le même Dieu qui les a utilisés pour chasser les Juifs qui s'étaient mal comportés. Les voix de Dieu sont insondables. Paul a dit, je traite durement mon corps de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Le même Dieu. Alors, refusons le formalisme. Refusons toute complaisance. Refusons toute autosatisfaction. Cherchons chaque fois son agrément. Seigneur, est-ce d'accord? Veux-tu bien? Est-ce que c'est ta volonté? Répentons-nous sans cesse, mes amis. Les voix de Dieu sont insondables. Il peut se retourner contre toi à tout moment. Donc, il n'est pas notre petit camarade avec lequel on s'habitue trop. Nous lui devons la crainte. Je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie. Et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Toutes ces nations des incirconcis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu que Dieu a rejeté les Israélites, il les a chassés comme des petits cancres là, hors des territoires d'Israël. Alors ils ont dit, ah, eh béba, Maintenant le même Dieu dit qu'ils ont fait tous ces bruits avec des gars. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison que ces païens ont détruite par ma permission, il sera débattu. Avec Dieu, mes chers amis, on ne blague pas. Ne criez pas plus haut que ce que lui vous permet. Quand ses voix sont insondables. Voyez ensuite ce qu'il a dit. Je reviens à Jérusalem avec compassion et ma maison y sera rebâtie et les cordons sera étendu de nouveau sur Jérusalem. Verset 17. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera Sion encore. Et il choisira encore Jérusalem. Amen. Il a fait autant de Zacharie et d'Alger. Il a fait autant de Néhémie et d'Estra. Il le fera encore bientôt pour Jérusalem. Jérusalem ne semble pas être une ville signifiante pour même plusieurs églises soi-disant chrétiennes ici. Et les nations de la terre ici. Et Jérusalem. Ils allaient dans le commun ce matin le col et Gumbamokon en Tina pour la Mangomba et Bélé à Takonaba. Mais bientôt Dieu choisira encore Jérusalem. Où aura lieu la bataille d'Armageddon? Aux portes de Jérusalem. Mes chers amis, le même Seigneur Dieu va répéter l'histoire. Et toutes les nations orgueilleuses là, qui sont dressées contre Israël, Dieu les anéantira. C'est prévu ici dans le livre. Dieu les anéantira. Pour vous et pour moi, pour nous chrétiens de son église, réjouissons-nous avec Jérusalem. Faisons de Jérusalem l'objet de notre allégresse. Ici, dans le psaume 122, vous connaissez ce vieux psaume. Pour ceux qui aiment Jérusalem. Psaume 122. Il est écrit ceci. Verset 1 à 9. Cantique des décrets de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes. Nous on les casser. Attends, au traité, au lobeli wana, to commune Jérusalem, c'est les manas. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Jérusalem, c'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Amen. Que ceux qui l'aiment jouissent du repos. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Que la paix soit dans ton mur. Amen. Et la tranquillité dans tes palais. Amen. À cause de ma prière et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais le vœu pour son bonheur. Maintenant, Et Dieu soit béni. Vous aimez Jérusalem. Jérusalem. Et nous ponctuons d'un amen chaque promesse. Amen. Chaque prière sincère. Nous aimons Dieu pour amen. Ça. Parce que ce soir, des vers que ça. Et le Seigneur nous a conduit comme il a conduit là. Le Seigneur Dieu choisira encore bientôt Jérusalem. Le Seigneur Dieu choisira encore bientôt Jérusalem. Chers amis, nous allons droit vers. Il ne va pas choisir le Kremlin. Pas Washington d'ici. Pas Bruxelles. Loin de là. Kinshasa. Même pas Kigali. Kigali. C'est pas là qu'il va choisir. Kounate. Oh, Bokoyo, Bokama Pamboli, oh, RDC, allez, Tikana. Moko Indesa Maponi, les forces prophéties en grand nombre chez les Pentecôtistes. Et Thomas, c'est malheureux d'être là, c'est dire des mensonges. Vous vous réunissez pour dire des tromperies et tromperies. Et des gens dans l'air aveuglément, dans les ténèbres, disent même amen. Et Thomas, Dieu choisira Jérusalem. Et vous verrez la bataille d'Armageddon là-bas. Et Dieu descendra pour défendre sa ville. Il est le roi de Salem. Pas le roi de Kinshasa. Le roi de Salem. Kinshasa n'est pas Jérusalem. Dis encore, voilà les autres sorciers qui disent ici. Calme. Si même Kinshasa, la capitale de ce pays, n'est pas Jérusalem. Nkamba, vraiment Nkamba. Hein, messieurs, madame, vraiment. Nkamba, vous, des papas et des mamans, vous dites Nkamba. Ah! Sans frère, Nkamba, vous parlez de Nkamba. Dieu a dit, Jérusalem restera à sa place. Amen. Amen. Nous on ne va pas transposer ça dans un autre pays. On a coupé ce bongo, à cause ça n'est pas pour nous menacer embêté. À cause ça va au baligi l'okuta. Mais les croyants, les enfants de Dieu doivent reconnaître que Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. Nous levons maintenant pour la prière. Sachant que Dieu tient le temps. Il tient notre demain. Il tient nos lendemains. C'est lui qui tient notre futur. Et c'est lui qui choisira bientôt Jérusalem. Et beaucoup de mouvements se feront là-bas. Des mouvements prophétiques. Beaucoup d'événements vont s'accomplir. Prenons le débat pour la prière. Croix seulement, numéro 15. Nous marchons vers Sion. Laissons voir notre joie. Nous qui aimons le Seigneur. Oh, joignons au chant un doux accord. Joignons au chant un doux accord et en dirons-nous le trône et en dirons-nous le trône. Nous marchons vers Sion. cité de Dieu. La colline de Sion. La colline de Sion. Côté de l'éternité. Il n'y aura plus de temps. Et pendant que nous en avons l'occasion, nous pouvons mettre nos vies en ordre, chercher les sceaux du Dieu vivant, le Saint-Esprit dans l'âme, la meilleure richesse que je connais. Prions chacun. Notre Père Céleste, à toi nos hommages et nos louanges, nous rendons à toi notre adoration au nom de Jésus-Christ, pour le privilège que tu nous accordes ce soir, à travers cette réunion, de communier avec toi, d'entendre la parole du Seigneur. Nous la recevons telle que tu nous la donnes, en toute humilité, et nous préférons exprimer la crainte de Dieu. Partout où nous avons été défaillants, où nous avons agi sans crainte de Dieu, un frère ou une soeur, un groupe de frères ou de soeurs, nous te prions de nous pardonner. Jette ton regard de miséricorde, Seigneur, et donne-nous ta grâce, en vertu de laquelle nous serons pardonnés, pour que tu ne nous impites pas toute la culpabilité et des châtiments innombrables. Dieu de bonté, ton plan est merveilleux pour nos âmes. Nous te soumettons nos voix, croyant que tu es capable de faire en sorte que notre avenir soit bien. Prends les voix de chacun de nous, sous ton autorité, sous ta domination. Brise l'esprit de rébellion, l'esprit d'incrédulité, Seigneur. Change-nous en profondeur pour ressembler à Jésus-Christ. Nous voulons être comme toi, tes enfants obéissants. Reçois-nous favorablement, Seigneur, et fais du bien à chacun de nous ici. Aie pitié de chaque frère, chaque soeur. Nous ne venons pas pour tourner en rond, pour sonner, mais nous venons pour progresser, pour communier avec Dieu, pour nous perfectionner même. Exauce la prière de chacun. Selon ce qu'il a retenu de cet évangile. Fais de nous compagnons d'Israël. Du chant qui aime Jérusalem. Comme toi tu le penses. Comme toi tu le veux. Afin que nous soyons allés. Dis-les de ses consolations. Dis-les de sa paix. Et que nous puissions avoir part à la plénitude de sa gloire. Car toute la gloire des nations reviendra à Jérusalem. Lorsque cela se fera, laisse que chaque héritier ait sa part. Héritier de tes promesses. Seigneur Dieu, console nos cœurs. Chaque jour, par la marche jusqu'au bout, exauce toutes nos prières et prends soin de nous au moment de sortir. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous te prions et nous te glorifions. Amen. Veuillez vous asseoir.